personne. Dans un rayon ne rayonne dans ma rue. Pourtant tu pleures en toi. Oui mais dis-moi pourquoi tes larmes ne coulent plus. Toi quand je te croise dans ma rue, toi la voix de l'inconnu. Quand je t'écoute c'est du temps perdu, car je n'entends personne. Pas un son ne résonne. Personne.